Laissez ces deux frères sans conquérant, s'il vous plaît, mes frères. Kapo Mutisensa, ne kalubi grand prêtre Wakumai, terre en théologie. Deos Logos. Thank you. Banana Bessabang, we want